Bonjour, je suis Isabelle Autissier, présidente d'honneur du WWF France. En tant que navigatrice, je constate les effets du réchauffement climatique sur les océans et les glaciers. Notre planète se dégrade, mais ce n'est pas une fatalité. Ensemble, nous pouvons la protéger. En faisant un leg au WWF, c'est une planète vivante que nous transmettrons aux jeunes générations. Demandez votre brochure leg sur transmettre.wwf.fr ou appelez Camille Perrier au 01 73 60 40 40. France Inter. Aujourd'hui dans Affaires Sensibles, parcours d'un mercenaire, Bob Denard. Soldat raté, il quitte l'armée après un court séjour en Indochine. Mais pris d'aventure et bercé par le sentiment de devoir répondre à l'appel du terrain, il n'abandonne pas les armes et s'engage dans une carrière parallèle en marge des armées conventionnelles. Il devient donc mercenaire. Durant plus de 30 ans, Bob Denard participe à de nombreux conflits en Afrique, servant parfois ses intérêts, parfois ceux d'autres pays, mais selon lui, toujours au bénéfice de la France. C'est sur l'archipel des Comores, dans l'océan Indien, qu'il connaîtra son heure de gloire. Retour sur le parcours de cet homme, symbole aussi de ce qu'on appelle la France-Afrique. Notre invité aujourd'hui, Walter Bruyère-Ostels, historien, professeur d'histoire contemporaine à Sciences Po Aix. Il est un spécialiste de Bob Denard et de la France-Afrique, auteur du livre intitulé « Dans l'ombre de Bob Denard ». Il nous attend dans les studios de France Bleu Provence, que nous remercions pour leur accueil. Affaires sensibles, une émission de France Inter, diffusée en direct. Récit documentaire Gaspard Valu, coordination Franck Cognard, chargé de programme Rebecca Donnante, réalisation Frédéric Milano. Fabrice Drouel, Affaires sensibles, sur France Inter. Mercredi 4 octobre 1995. Bob Denard, 66 ans, treillis militaire sur le dos, est installé devant un bureau de la caserne de Kambani, à quelques kilomètres au nord de Moroni, la capitale des Comores. Entouré de ses plus fidèles compagnons, il vient tout juste de raccrocher le combiné du téléphone. Après une intense discussion avec un responsable des services de renseignement français, il comprend que les dés sont jetés et que c'est la fin de son aventure de mercenaire. Revenu quelques jours plus tôt dans ce pays qu'il connaît comme sa poche, le vétéran des soldats de fortune s'offre un baroud d'honneur. En tentant une nouvelle fois de renverser le pouvoir en place aux Comores, celui qui se décrit comme corsaire de la République est allé trop loin. Après plus de 30 ans passés à sillonner l'Afrique au gré des conflits post-coloniaux, cet archaïque rouage de la France-Afrique vient de sauter. À l'extérieur de la caserne, Denard observe l'impressionnant déploiement militaire mis en place par la France pour le neutraliser. Frégates, avions, hélicoptères et troupes d'élite, il est cerné. Mais avant de se rendre, il veut briller une dernière fois. Il convoque la presse dans l'enceinte de la caserne et il délivre son message. J'ai reçu les garanties que tout se passerait dans l'ordre, que les rations étaient prêtes pour nos soldats et que nous laissons alors toutes les armes et nos affaires sur place qui seront aussi inventoriées et contrôlées. Et j'ai donné des consignes pour que tout se passe dans le respect et dans l'ordre de la tradition militaire dont nous avons été issus. Donc je pense que tout devrait se passer dans le calme, dans l'ordre et dans la discipline. J'entends sortir la tête haute, je crois que vous en êtes témoin. Je pense être un homme qui a toute sa carrière combattu, certes, mais qui a aussi qui sait aussi prendre la pelle et la pioche. Donc là, vous voyez, il pleut et je crois que les Comores pleurent. Et c'est le dernier acte d'un parcours débuté 33 ans plus tôt. Robert Denard, né le 7 avril 1929 à Bordeaux. Fils d'un militaire engagé dans les troupes coloniales en Chine, il grandit bercé par les récits d'aventures de ses parents qui ont parcouru le monde. Lorsque la Seconde Guerre mondiale prend fin en 1945, Denard s'engage dans la Marine nationale pour y suivre une formation de matelot mécanicien. Il caresse l'espoir de servir la France, comme son père avant lui, mais aussi et surtout, il rêve d'aventure. En En 1948, le jeune matelot se porte volontaire pour rejoindre l'Indochine. Il intègre une unité de fusiliers marins et embarque à destination de cette colonie française de l'autre bout du monde, alors en lutte pour son indépendance. Et il découvre la réalité de cette sale guerre. La violence, la guérilla urbaine, les longues marches dans la jungle et les exactions. C'est aussi là qu'il développe un anticommunisme farouche, traquant avec zèle le soldat Viet Minh partout dans le pays. Dans ces conditions, il se fait vite remarquer, autant pour sa bravoure que pour son manque de discipline. Et, à force de foncer tête baissée, il se blesse au combat. À peine rétabli, il décide de fêter son retour au front dans un restaurant situé près de sa garnison. Mais la soirée dérape. Complètement ivre, Robert Denard et ses compagnons s'en prennent à des clients et déclenchent une violente bagarre qui se termine en incendie. Sanctionné par sa hiérarchie, il quitte l'Indochine en juillet 50. Lorsque son contrat avec l'armée arrive à son terme en 1952, Robert ne rempile pas et retourne chez ses parents près de Bordeaux. Mais il ne compte pas y faire de vieux os. Quelques semaines plus tard, il traverse la Méditerranée et s'installe au Maroc. Il y trouve un petit boulot de conducteur d'engin sur une base militaire française près de Rabat. Au Maroc, Robert Denard, 23 ans, découvre un territoire de l'Empire colonial en proie au doute. Sous protectorat français depuis 1912, le royaume connaît des troubles graves. Un peu partout dans le pays, la rébellion fait tache d'huile. Ici Jean Lefebvre qui vous parle du Maroc. J'ai choisi de vous écrire cette carte postale de fin d'année sous une guitoune de campagne amarrée sur un piton du Rif, loin de tout et si près du monde pourtant, à Tahar Souk. Voici 3 mois maintenant que les rebelles opèrent dans le nord marocain. L'évolution politique du Maroc n'a pas stoppé la rébellion et c'est ce qui inquiète le plus dans le Rif. La réponse est cependant simple. On a abattu un rebelle avant-hier près d'ici. Dans le Rif proprement dit, au nord de Taza, les tribus en dissidence donnent des signes certains de lassitude. Mais les rebelles, par contre, ont réussi à soulever au lendemain de Noël une tribu voisine près de Tahar Souk, d'où je vous parle aujourd'hui. Ici Jean Lefebvre qui vous a parlé du Maroc. C'est dans ce contexte tendu que Robert Denard reçoit une proposition alléchante. Rejoindre la police locale. Pour celui qui se revendique vétéran d'Indochine, c'est l'occasion rêvée d'enfiler à nouveau l'uniforme. Il intègre une unité de lutte antiterroriste et participe à la traque des rebelles partout sur le territoire. Il fait aussi de nombreuses rencontres. Il commence à côtoyer des agents de renseignement basés sur place, se lie d'amitié avec plusieurs membres des réseaux d'extrême droite. Car tous partagent un anticommunisme profond et se lamentent de voir l'Empire français se déliter. Une nouvelle fois, Robert Denard dérape. Durant l'été 54, il participe avec quelques camarades de ses réseaux militants à une tentative d'assassinat contre Pierre Mendès France, le président du Conseil, coupable à ses yeux et à ceux de ses acolytes de démanteler la France coloniale avec l'accord de paix qui met fin à la guerre d'Indochine. Avec les Français en tout cas. Mais cette tentative échoue. Robert Denard, qui n'est que le conducteur du commando, est condamné à quelques semaines de prison. Et il quitte définitivement le Maroc en 1956. De retour près de Bordeaux, chez papa et maman, après cette lamentable action contre Mendès, l'un des hommes politiques les plus recommandables de la 4e République, il se lance dans une carrière de représentant de commerce et sillonne les routes de la région. Mais la vie civile n'est pas faite pour lui, non, il s'ennuie ferme, il tourne en rond. Et c'est presque par hasard qu'il tombe sur un article paru dans le journal L'Aurore. Un article qui va changer sa vie. Dans ce reportage, daté de septembre 1960, le journaliste raconte la guerre qui sévit sur le territoire de l'ancien Congo belge, plongé dans un conflit à la suite de son indépendance proclamée quelques mois plus tôt. Un conflit qui se cristallise autour du Katanga, une région sécessionniste dont l'indépendance vient d'être proclamée par le leader Moïse Tshombe. Qu'allait devenir le Congo ? Constellation US débarquant des troupes suédoises, Ilyushin soviétique débarquant des forces ghanéennes, se succédaient sur l'aérodrome de Njili aux portes de Léopoldville. L'ONU hâtait son intervention. Les casques bleus partout dans la ville avaient remplacé les Belges. La rue avait retrouvé son calme et sa curiosité. Le problème s'était déplacé. Dans le Katanga, la plus méridionale des provinces congolaises, M. Moïse Tshombe, leader d'un nouveau nationalisme, proclamait l'indépendance du Katanga et hissait à Elizabethville, sa capitale, les toutes neuves couleurs d'une nation à peine née. Nouveau problème qui s'ajoutait au problème d'ensemble, car des îlots tragiques subsistaient. Cet article ne brosse pas uniquement un panorama de la situation au Congo. Le journaliste fait aussi passer une annonce. Le Katanga est à la recherche de mercenaires européens pour l'aider dans son combat pour l'indépendance. Cette région sécessionniste, où les puissances européennes ont encore de nombreux intérêts économiques, se bat contre le nouvel État soutenu, lui, par l'URSS. Une guerre idéologique qui parle à Robert Menard, lui, l'anticommuniste primaire. Alors il ne réfléchit pas longtemps. Il fait son pactage et embarque dans un avion en direction du Katanga. Là-bas, il est promu lieutenant. Il a sous ses ordres une unité de gendarmes fidèles à Moïse Tshombe. Discrètement soutenu par les services secrets européens, dont le SDEC français, les mercenaires occidentaux du Katanga s'illustrent dans une guerre disproportionnée. Les quelques centaines de gendarmes de la province sécessionniste, encadrés par les mercenaires européens, font face à l'armée régulière et à 10 000 casques bleus de l'ONU envoyés sur place pour tenter de stabiliser la situation. Dans cette guerre, les mercenaires se forgent une réputation et gagnent même un surnom, les affreux. Après avoir survolé l'Ouganda, nous nous trouvons maintenant au Congo, quelque part entre Bouta et Stanleyville. En face de nous, sur cette île, se trouve un camp de mercenaires. Les affreux. Ici, on apprend à tuer pour de l'argent. Ben, c'est un camp d'entraînement, vous allez le voir. C'est-à-dire qu'on entraîne des gars qui nous viennent un peu de partout, et qui viennent d'Europe. La profession. Ah, toutes les professions, mais il y a surtout d'anciens militaires. Vous n'aimez même pas beaucoup que je les appelle les mercenaires. Ben, non. Enfin, c'est pas mercenaires encore, ça gêne pas, mais... C'est quand les journalistes, enfin... Oui. Vous autres, vous appelez les affreux, alors ça, je n'aime pas beaucoup, parce que... Je vois pas ce qu'on a de plus affreux que des casques bleus du coup, de l'ONU, parce que on fait le même métier, on n'en tire pas les mêmes honneurs, on n'a même pas les mêmes avantages, ils sont assurés, pas nous. Et certains d'entre vous combattent pour un idéal ou parce qu'ils ont vraiment envie de se battre? Vous, par exemple, vous battez pour un idéal? Ah oui, moi je combats pour la liberté, surtout contre le communisme. Durant 3 ans, les soldats de fortune parviennent à tenir la ligne de front et réussissent même quelques coups d'éclat. Mais au printemps 63, la situation devient de plus en plus difficile. Les troupes de l'ONU parviennent à franchir la ligne de front. Moïse Tshombe prend la fuite, tout comme la grande majorité de ses soldats européens, dont Robert Denard, devenu Bob le mercenaire. De retour en France, il est bien décidé à poursuivre sa nouvelle carrière. 3 mois plus tard... Il se rend vers sa nouvelle destination, le Yémen, au sud de la péninsule arabique. C'est un pays qui traverse une crise grave. Les royalistes, soutenus par l'Arabie Saoudite et l'Occident, s'opposent aux républicains soutenus, eux, par l'Égypte, du colonel Nasser, qui vient de dépêcher 40 000 hommes sur place. Lorsqu'il se rend au Yémen avec l'aval des services secrets français, Bob Denard retrouve beaucoup d'anciens du Katanga venus comme lui soutenir les royalistes yéménites. Si les mercenaires européens ont pour mission première de former les troupes royalistes, ils doivent aussi participer à d'intenses combats dans le désert. Et la réalité est cruelle. La cinquantaine d'Européens et leurs troupes sous-entraînées ne peuvent rien faire contre la puissance de feu des soldats républicains et leurs alliés égyptiens. Malgré quelques opérations réussies, Bob Denard quitte le Yémen à la fin de l'année 1964. Mais il est maintenant un mercenaire reconnu. À son retour en France, il est contacté par Moïse Tshombe. L'ancien leader katangais est rentré d'exil et occupe désormais le poste de premier ministre d'un gouvernement congolais d'union nationale. Et il a besoin des mercenaires pour tenter de calmer un pays à feu et à sang. Pour cette nouvelle mission, Bob Denard doit recruter. Grâce à ses réseaux ou via des petites annonces évasives expliquant chercher des hommes jeunes et robustes en quête d'aventure, il parvient à monter une petite armée de 150 Européens. Un contingent de fortune composé d'anciens militaires ou militants d'extrême droite. Toute cette engeance est envoyée sur les brasiers congolais. Denard et ses hommes enchaînent des opérations alternant victoires audacieuses et défaites cuisantes. mais le climat politique instable finit par épuiser les mercenaires. Blessé au combat en juillet 1967, Bob Denard est exfiltré par les services secrets français. Son odyssée congolaise a fait du chef des affreux une personnalité qui compte. Il est un membre important des réseaux africains du conseiller du général de Gaulle, Jacques Foccart, Monsieur France-Afrique, mais il est aussi devenu une personnalité publique. Il apparaît même sur les plateaux de télé. Nous avons ce soir avec nous un vrai mercenaire, et quel mercenaire, puisque c'est Robert Denard, plus connu sous le nom de Bob Denard. Le mercenaire, dans la réalité, qu'est-ce que c'est ? Un mercenaire, c'est un homme comme un autre. Mais est-ce qu'on Parce peut faire une sorte de cas est différent. De portrait robot, si vous voulez. Généralement, est-ce que c'est un homme qui cherche d'abord à gagner de l'argent ou bien qui cherche l'aventure ? Ben, je crois qu'il cherche les deux. Et Parce que l'un n'est pas incompatible avec l'autre. Et on gagne de l'argent quand on est mercenaire ? Ben, on en gagne, bien sûr, on a une solde. Moi, je vais parler en tant que chef mercenaire. Mmh. Le chef de mercenaire, ce sont ces hommes qui les lisent un petit peu. Je crois avoir été celui-là. Je n'ai pas toujours été gentil avec eux, j'ai été très dur. Juste une chose, dans une armée régulière, il y a un cadre quand même, il y a une discipline imposée de l'extérieur. Mais dans une troupe comme celle-là, puisqu'il n'arrive pas qu'à un moment quelconque, un des hommes dise au chef, eh bien écoute, après tout, moi je t'emmerde. Je crois que moi, Denard, je peux dire qu'il n'y en a jamais un qui m'a dit en face, je t'emmerde. Dans mon dos, ils en ont dit beaucoup, mais en face de moi, il n'a encore pas dit, j'attends le premier. Bob Denard est un mercenaire demandé dans le monde entier et dont le carnet d'adresses ne cesse de grossir. Il est par exemple sollicité par le Royaume du Maroc pour tenter d'éliminer l'encombrant colonel Kadhafi qui vient de prendre le pouvoir en Libye. Il est aussi activé, comme on dit, par les services secrets français pour monter des équipes prêtes à déstabiliser le pouvoir guinéen de Sékou Touré ou pour soutenir le régime sécessionniste chrétien du Biafra au nord du Nigeria. Il conseille le président gabonais, Omar Bongo, dans la création d'une garde présidentielle de toute façon. Si la mission lui plaît, et surtout si le commanditaire sort le carnet de chèque, il en est. 15 ans après le début de sa carrière, l'ambitieux Bob Denard compte maintenant donner une nouvelle dimension à son action. Mais pour cela, il a besoin de se trouver un port d'attache. Aujourd'hui, Bob Denard, le mercenaire. France Inter, affaires sensibles. Les Comores. Quatre points sur la carte du monde dans le canal de Mozambique. La plus vaste des quatre îles est la Grande Comore où nous pénétrons en premier. Comme ses sœurs, elle est née du feu de la terre. C'est un bloc de lave et les volcans qui la formèrent y dressent leurs cheminées à de grandes hauteurs. Un relief tourmenté auquel la lutte puis l'accord du basalte et de la forêt donnent une beauté inimaginable. La ville capitale, c'est Moroni. Découverte par les Arabes vers le 5e siècle, elle reçut tour à tour des immigrants venus de tous les pays riverains de l'océan Indien. Depuis, cet amalgame de races s'est stabilisé, a choisi en commun un mode de vie, s'est forgé une âme nationale. Le passé et le présent se mêlent à Moroni. Composé de quatre îles, Grande Comore, Anjouan, Mohéli et Mayotte, les Comores ne sont pas qu'un archipel aux plages et lagons paradisiaques. C'est aussi une place forte de la France dans l'océan Indien depuis 1886. Situé au nord du canal de Mozambique, les Comores se trouvent à un emplacement stratégique, au carrefour de plusieurs routes maritimes internationales. Mais au début de la décennie 70, les Comoriens sont en quête d'indépendance. Le leader du mouvement s'appelle Ahmed Abdallah, un riche commerçant originaire de l'île d'Anjouan. Prospère, grâce au monopole qu'il exerce sur le commerce du riz, il est aussi un homme politique de premier plan, représentant comorien à l'Assemblée nationale en France. Enfin, dans l'Hexagone. Cela fait plusieurs années qu'il négocie les termes de l'indépendance avec le gouvernement français. Paris consent, finalement, à organiser un référendum à la fin de l'année 1974. Le 22 décembre, les Comoriens sont donc appelés aux urnes. Et le résultat est sans appel. 95% de la population se prononce en faveur de l'indépendance. Seuls les habitants de Mayotte expriment leur souhait de rester territoire français. Mais Ahmed Abdallah ne l'entend pas de cette oreille. Le 6 juillet 1975, devant le Parlement comorien, il proclame l'indépendance de l'archipel, Mayotte comprise. Au nom du peuple comorien, et en application de votre déclaration de ce jour, monsieur le député, je proclame l'indépendance des Comores dans ses frontières coloniales, à savoir Mayotte, Anjouan, Mohéli et Grande Comore. Vous l'avez entendu, Ahmed Abdallah, président du gouvernement des Comores, a annoncé unilatéralement l'indépendance de l'archipel. La Grande Comore, Mohéli, Anjouan et Mayotte, ces quatre îles coincées entre Madagascar et le Mozambique, ces quatre îles de l'océan Indien forment le territoire des Comores. Elles étaient devenues françaises en 1841, il y a plus de 130 ans donc, avaient acquis leur autonomie en 1947 et deviennent aujourd'hui indépendantes à part entière. La France reconnaît l'indépendance de l'archipel quelques jours plus tard, tout en contestant la souveraineté comorienne sur Mayotte. Mais Paris ne peut rien faire. Impossible d'envoyer des troupes, au risque de s'attirer les foudres de la communauté internationale. Alors, dans l'ombre, la France active ses réseaux et pousse Ali Swali, un jeune député réformateur, à prendre le pouvoir. Le 3 août 75, le président Abdallah est en déplacement sur son île d'Anjouan. Pendant son absence, Ali Swali s'empare du palais présidentiel. Réfugié dans son fief, le président refuse d'abandonner le pouvoir. Pour mettre son opposant hors d'état de nuire, il a besoin des services du vétéran des mercenaires français, un certain Bob Denard, qui s'envole pour Moroni au mois de septembre 75. Sa mission est simple. Il doit se rendre à Anjouan et arrêter Ahmed Abdallah. Aidé d'une poignée de mercenaires, il monte une opération commando et débarque sur l'île avec une cinquantaine d'hommes. Il ne faut que quelques heures à l'ancien affreux du Katanga pour appréhender sa cible. Ahmed Abdallah est arrêté et s'exile en France. Bob Denard, lui, reste pour quelque temps en Comores. Et là, il découvre l'archipel, ses îles volcaniques, sa nature luxuriante et ses plages de sable fin. Lui qui rêve de se trouver un port d'attache commence à croire qu'il a trouvé son paradis. Pourtant, le vieux, comme l'appellent ses hommes, déchante rapidement. Ali Swali, le nouveau président des Comores, engage le pays dans ce qu'il appelle lui-même une révolution et se lance dans des réformes aux accents marxistes. Pour l'anticommuniste Denard, c'en est trop. Il plie bagage et rentre en France quelques semaines après son arrivée. Mais il se fait une promesse. Il reviendra. Durant 2 ans, Bob Denard retourne à ses affaires. Il est toujours autant sollicité et participe à quelques opérations de déstabilisation. Il prépare une opération aux Seychelles ou au Bénin pour renverser le président Mathieu Kérékou. Mais les Comores se rappellent à lui à la fin de l'année 1977. Alors qu'il se trouve à Paris, il est approché par Ahmed Abdallah. L'ancien président comorien souhaite s'attacher les services de Denard pour reprendre le pouvoir à Moroni. Après avoir obtenu l'aval de ses officiers traitants du SDEC, le mercenaire accepte la proposition. L'opération est en partie financée par la fortune personnelle d'Ahmed Abdallah. Mais Bob Denard sollicite aussi des financiers sud-africains grâce à ses réseaux au sein du régime de l'apartheid. Pour cette mission, il achète un chalutier à Lorient et recrute une cinquantaine de mercenaires. Certains sont d'anciens du Katanga, d'autres sont issus de réseaux d'extrême droite. Il raconte la suite de l'opération dans une conférence de presse qu'il donnera des années plus tard, en 1994. Nous avions créé une société d'offshore. On créait une société offshore de recherche sismique et géophysique. Et nous devions aller en terre de feu. C'est une opération que nous avons faite en partant de Lorient avec 50 hommes pour être passés aux Canaries. Au lieu de tourner à droite, on a tourné à gauche. Et nous avons doublé le cap de Bonne-Espérance pour arriver aux Comores le matin du 13 mai. Le navire baptisé Antinéa quitte l'Orient en mars 78, officiellement donc pour une mission scientifique. Après un peu plus d'un mois de navigation et une escale technique aux Canaries, l'équipage a son objectif en vue. Le 13 mai, l'ancre est jetée devant la plage d'Itsandra, au nord de la capitale Moroni. Au petit matin, la cinquantaine de mercenaires débarque sur le sol comorien. L'opération menée par Denard et ses hommes est un succès total. Il ne leur faut que quelques heures pour prendre le contrôle de la ville. Ils s'emparent du palais présidentiel et Ali Swali est fait prisonnier. Alors que la situation est encore floue, les médias français commencent à relayer l'information. Interne Michel Forgite. Coup d'État aux Comores où le gouvernement du président Ali Swali a été renversé. Officiellement, il n'y a pas eu de victimes, mais selon les journalistes, des appels aux donneurs de sang ont été lancés à la radio. L'archipel serait maintenant dirigé par un directoire militaire politique dont l'homme fort serait l'ancien ministre de l'Intérieur, appuyé par des responsables militaires. Les auteurs du coup d'État ont utilisé le mécontentement que le président Swali avait soulevé en mettant en œuvre son programme révolutionnaire. Il voulait s'inspirer du modèle chinois et des troubles avaient éclaté. La France est bien sûr attentive à la suite des événements, car Mayotte est restée française après le référendum sur l'indépendance. Et c'est bien Ahmed Abdallah qui se cache derrière ce coup d'État. Il atterrit à l'aéroport de Moroni quelques jours plus tard. Accueilli en héros par la population, il défile dans les rues de la capitale, aux côtés de Bob Denard et des mercenaires français. Acclamé, Denard est bel et bien l'autre vainqueur de ce coup d'État. Car en concluant un accord avec Ahmed Abdallah, il s'est assuré une place de choix au sein du nouveau pouvoir comorien. Il est le plus proche conseiller du président et il dispose d'une carte blanche pour dérouler son plan. Denard se lance d'abord dans la création d'une garde présidentielle. Montée pour protéger le président et la pérennité du pouvoir comorien, c'est une unité d'élite composée de Comoriens triés sur le vol et encadrés par les mercenaires français. Une unité qui compte très vite plus de 500 hommes. Pour financer cette garde prétorienne, Bob Denard se tourne vers le régime sud-africain avec qui, on l'a dit, il fait copain-copain depuis longtemps. Isolé par les sanctions internationales, le pouvoir à Pretoria voit d'un bon œil l'arrivée de l'ancien du Katanga à Moroni. En échange de l'équipement et du financement de la garde présidentielle, l'Afrique du Sud s'assure en effet du soutien des Comores pour contourner l'embargo international et renforcer sa position régionale. Des passeports comoriens sont délivrés aux responsables du régime de l'apartheid et une station d'écoute est installée sur Grande Comore. En d'autres termes, gagnant-gagnant. L'argent sud-africain permet aussi à Bob Denard de se lancer dans d'importants projets de développement économique. Le mercenaire se transforme alors en homme d'affaires. Son premier objectif est de développer le tourisme. Il permet l'implantation de deux établissements de la chaîne hôtelière sud-africaine Sun International. Et très vite, les touristes venus du Cap ou de Johannesburg se pressent au luxueux complexe de Galawa, à 30 km au nord de Moroni. Bob Denard ambitionne également de développer l'agriculture locale. Pour y parvenir, il crée une ferme expérimentale sur un terrain de 500 hectares à Sangani, sur l'île d'Anjouan. Les meilleurs ingénieurs agronomes sud-africains viennent prêter main forte aux mercenaires français et à sa centaine d'employés. Denard œuvre aussi sur le plan diplomatique et aide Ahmed Abdallah à tirer les chefs d'État pour des visites officielles. Grâce à son carnet d'adresses, il offre au président comorien une notoriété inespérée. Quand en 1986, le Premier ministre Jacques Chirac se rend aux Comores, c'est bien grâce à lui et à ses liens étroits avec Jacques Foccart, le monsieur Afrique du gouvernement. Permettez-moi tout d'abord de vous dire, monsieur le président, combien j'ai été sensible à cet accueil si chaleureux, amical, que vous-même et le peuple comorien vous avez réservé, et combien je suis profondément touché. Je dis bien profondément touché par le signe d'amitié et d'affection que vous avez bien voulu me donner en me faisant grand croix de votre ordre national, le plus ancien du monde. Bob Denard s'implique totalement dans la vie locale et en adopte les coutumes. Il s'est pris d'affection pour le pays et revendique même se sentir comorien. Et il se convertit à l'islam, se faisant appeler Saïd Mustapha Amadjou. Mais après une décennie aux Comores, le vent commence à tourner. En 85, Denard réprime sévèrement une mutinerie au sein de sa garde présidentielle et il ne peut que constater un ras-le-bol de la population vis-à-vis de mercenaires français de moins en moins appréciés. Le temps où ils étaient célébrés en héros de la libération semble si loin. Et il faut dire que ces gros bras qui aiment la castagne multiplient les incidents dans les bars et les restaurants, le racket et les violences aussi. Et puis, politiquement, l'horizon n'est pas plus dégagé. Avec le temps, le régime sud-africain se désolidarise peu à peu de son encombrant allié. En quête de respectabilité, et alors que Pretoria s'oriente vers la fin de l'apartheid, Bob Denard n'est plus l'atout qu'il était auparavant. À Paris également, alors qu'on tolérait les agissements du mercenaire, la gêne est de plus en plus grande. En 89, ses alliés lui tournent définitivement le dos. Ses mercenaires ne reçoivent plus de salaire et les ponts sont coupés. Sentant la pression monter, Denard se tourne vers le président Abdallah, qui subit lui aussi la pression de ses différents partenaires. C'est dans la nuit du 26 au 27 novembre que les événements s'accélèrent. Alors qu'il se trouve dans le bureau du président avec trois autres hommes, la situation dérape et plusieurs coups de feu retentissent. C'est ici, dans son palais présidentiel de Moroni, où il avait reçu voici trois ans Jacques Chirac, premier chef du gouvernement français à visiter les Comores depuis leur indépendance, que le président Ahmed Abdallah a été tué hier soir. La fusillade a éclaté aux environs de 23h50. Selon les indications officielles, la résidence du président a été prise d'assaut par des éléments des forces armées comoriennes. Le président et l'un de ses gardes du corps, le lieutenant Jassar, ont été abattus au cours de l'attaque. Les obsèques du président comorien ont eu lieu ce matin dans le calme, à Domouni, son village natal, dans l'île d'Anjouan. Un deuil de 40 jours a été décrété dans l'archipel, tandis que le président de la Cour suprême assure l'intérim de la présidence. Même s'il assure ne pas être responsable de la mort du président comorien, Bob Denard a franchi le Rubicon. Des manifestations s'organisent et la population réclame le départ des mercenaires français. Sous la pression, Denard négocie son départ, ainsi que celui de ses hommes. Et surtout, il accepte de rendre les armes. En décembre, l'armée française intervient pour expulser les mercenaires. Bob Denard s'envole pour l'Afrique du Sud, dans l'espoir de se mettre à l'abri d'éventuelles poursuites judiciaires en France. Mais de retour en France, quelques mois plus tard, le célèbre mercenaire est clairement sur le déclin. Même s'il est sollicité pour quelques opérations obscures, il rumine l'époque bénie de son aventure comorienne et il observe de loin son héritage se déliter. Le nouveau président, élu en 90, malmène ses proches restés sur place et liquide les intérêts économiques du vieux mercenaire. Chez lui, Denard bouillonne. Et lorsqu'en 95, une vieille connaissance lui offre l'opportunité de se lancer dans un maraudeur, le roi déchu des Comores fonce sans se poser de questions, comme lors de son départ pour le Katanga 30 ans plus tôt. Mais cette fois, l'objectif est la libération de deux fils d'Ahmed Abdallah, emprisonnés après avoir fomenté un coup d'État. Donard applique le même plan que celui du débarquement de 1978. Après avoir acheté un navire scientifique, il met le cap sur Moroni avec ses plus fidèles compagnons et il débarque par la plage sur le sol comorien. Grâce à sa parfaite connaissance du terrain, l'opération est un succès. Mais cette fois, il ne peut plus compter sur le soutien de la France. En vertu d'un accord de défense qui lie les deux pays, Paris déclenche quelques jours plus tard une opération d'envergure pour déloger Bob Denard et ses mercenaires. France Inter. Aux Comores, la pièce est jouée pour Captain Bob. Bob Denard, le plus célèbre des mercenaires, s'est rendu aujourd'hui aux militaires français. Son putsch a échoué. En début d'après-midi, il est donc sorti avec deux de ses lieutenants du camp militaire de Candani, près de Moroni, où il était retranché avec ses hommes. Reddition suivie par l'envoyé spécial de RFI, Jean-Hélène. Il est sorti du camp Candani comme d'une scène de théâtre, la tête haute, très digne, à larges enjambées malgré sa jambe raide, encadré de ses deux lieutenants. Sous une pluie battante, comme en 89 lors de sa dernière expulsion des Comores, a-t-il fait remarquer aux journalistes, Bob Denard s'est présenté aux forces françaises qui l'ont rapidement fouillé avant de le faire entrer seul dans une voiture. Il n'y a aucun cérémonial, seules quelques acclamations de part et d'autre. Les mercenaires, la tête haute également, ont renoncé à chanter en partant le fameux « Je ne regrette rien » d'Edith Piaf. Jean-Hélène Moroni, RFI pour France Inter. Le mercenaire se rend sans résister, fidèle à son engagement de ne jamais ouvrir le feu contre un soldat français. Fin de partie. Emprisonné à la prison de la Santé, à son retour en France, Bob Denard est libéré en juillet 96 dans l'attente de son procès pour l'assassinat d'Ahmed Abdallah. Jugé 3 ans plus tard, il est acquitté, notamment après le retrait de plainte de la famille de l'ancien président. Atteint de la maladie d'Alzheimer, il se fait de plus en plus discret, ne participant presque pas aux autres procédures judiciaires qui l'attendent. Il meurt en 2007, chez lui, dans sa résidence de Seine-et-Marne, où, selon son avocat, il ne vit qu'avec une pension de 250 euros par mois. Avec lui, disparaît l'un des derniers rouages de la France-Afrique. Le chef des affreux laisse derrière lui une génération de soldats de fortune qui ne trouveront plus de terrain de jeu. À Moroni, il ne reste presque rien de son épopée comorienne. Ses ambitions folles pour le pays ont laissé place à une triste réalité, faite d'instabilité politique et d'immenses défis économiques. Yeah. France Inter. Affaires sensibles. Fabrice Drouel. Aujourd'hui, Bob Denard, dont nous parlons avec notre invité Walter Bruyère-Ostels. Bonjour. Bonjour. Vous êtes à Aix-en-Provence, vous m'entendez bien ? Oui, parfaitement, oui. Bien, vous êtes historien, professeur d'histoire contemporaine à Sciences Po, spécialiste de Bob Denard et de la France-Afrique, et par ailleurs auteur du livre intitulé « Dans l'ombre de Bob Denard », donc vous connaissez bien le bonhomme, en tout cas son itinéraire, et on l'a dit en fin de récit, Denard a eu quelques démêlés avec la justice à son retour en France, et pas seulement en lien avec son histoire comorienne, quelles étaient ses affaires judiciaires ? On lui reproche plusieurs actions au cours de sa vie, les affaires comoriennes, donc l'assassinat d'Abdallah, l'aventure du retour de 1995, mais on lui reproche aussi le coup d'État manqué au Bénin en 1977, qui fera l'objet d'un des procès de Denard sur la fin de sa vie. Et concernant justement l'assassinat d'Abdallah, ça paraît étrange qu'il soit soupçonné, parce qu'il a toujours été à ses côtés, plusieurs fois même. Oui, alors évidemment, le destin du président comorien et celui de Denard sont complètement liés à partir de 1978. Mmh. Mais comme vous l'avez bien décrit tout à l'heure dans le récit, l'automne 89, c'est un changement de contexte international. C'est la fin de l'apartheid pour l'Afrique du Sud, en tout cas le virage. C'est un changement à Paris. Et du coup, c'est probablement la fin de la garde présidentielle pour Denard qui amène à un choix décisif pour Ahmed Abdallah, auquel Denard ne croit pas. Mais la fameuse nuit tragique, vraisemblablement, elle est destinée à une explication entre le chef mercenaire et le président sur ce que va devenir cette garde présidentielle, si elle va se maintenir ou pas. Et l'hypothèse la plus vraisemblable, c'est évidemment un dérapage de la négociation ou du rapport de force qui a eu lieu pendant cette fameuse nuit. Mmh. Et si je ne m'abuse, on n'a pas souvenir de grands procès de Denard. Il a échappé à la justice, et si oui, comment il a fait ? Alors, il n'a pas échappé à la justice, il y a un procès, c'est d'ailleurs tout à fait une bonne illustration en fait de ce qu'est la France-Afrique à ce moment-là, c'est-à-dire qu'on voit à travers ce procès un certain nombre de rouages de l'action clandestine de la France être dévoilés à travers la personne de Denard, et défilent à la barre des gens tout à fait importants, des services, même du monde politique, Michel Roussin par exemple, qui viennent témoigner en faveur de Denard sur le fait que, à bien des égards, il a servi la France au cours de sa carrière. Et puis le fond, évidemment, de ce qui est jugé, c'est la responsabilité dans la mort d'Abdel Abdallah. Et là, malgré des reconstitutions très, très minutieuses par les juges, il n'y a pas de consensus sur ce qui s'est passé. Et finalement, au bénéfice du tout, Denard va être acquitté. Voilà, donc c'est vrai qu'il n'y a pas eu beaucoup d'écho médiatique de cela, peut-être en lien justement avec l'acquittement. Alors, au travers des différentes missions de Denard, on voit bien que la France a toujours joué un rôle, et notamment les services secrets. Ils ont considéré que Denard était un supplétif bien utile pour des opérations qui ne seraient pas très pertinentes de la part de services français. Oui, oui, complètement. Alors, en fait, il faut distinguer plusieurs périodes, vraisemblablement. La première, qui est celle des années 60, qui est principalement autour du Congo, mais aussi du Biafra, où finalement, Denard est un homme parmi d'autres. La question pour les services secrets à ce moment-là, c'est le nombre de personnes engagées sur ces théâtres d'opération, et le mercenariat est la voie idéale pour arriver à massifier les troupes nécessaires. Mmh. Et puis, il y a la deuxième partie de carrière, si je puis dire, de Denard, celle des années 70, où là, on est dans des coups. Vous avez évoqué la tentative enfin le projet plus exactement d'assassinat de Kadhafi commandité par Hassan II. Il y a le Bénin justement, il y a l'Angola, où là ce sont des actions très ponctuelles de type plutôt commando qui sont soit envisagées, soit réalisées. Et le risque est trop grand pour que les services puissent l'assumer eux-mêmes, où le commanditaire direct n'est pas la France. La France est juste en arrière-plan. Et puis, il y a la troisième partie, c'est évidemment les Comores. Et là, c'est le contexte géostratégique, j'allais dire, de l'Afrique australe et de l'océan Indien qui explique la position de Donard. Qu'est-ce qu'on dit de sa personnalité? Quel genre d'homme est-il? Tout dépend évidemment des gens qu'on interroge et du moment de sa vie. Ce qui est sûr, c'est que c'est un homme très courageux. Les témoignages sont pratiquement tous convergents. Il a visiblement une forme de charisme militaire. Il y a une scène qui se passe en 1965 où deux hommes sous, alors il est à ce moment-là à la tête du premier bataillon de choc, deux hommes sous viennent le provoquer dans son bureau, lui tirent dessus. Lui tire entre les jambes. Donard ne bronche pas et leur passe un savon dans la foulée. Et cette histoire a été colportée par les générations suivantes de mercenaires, montrant le sang-froid de l'homme face au risque mortel. Donc ça, c'est un des éléments du personnage. Et puis, il y a un deuxième élément, moi, qui me paraît intéressant, qui revient souvent chez ceux qu'il appelle le vieux, hein, ceux qui étaient aux Comores, c'est malgré tout les limites de son éducation. Et quand on regarde un petit peu le parcours de Donard, de 65 justement au premier choc jusqu'en 1995, il n'aura de cesse de s'entourer de gens, soit qui ont fait des études, soit qui ont un profil très différent du sien, pour essayer de trouver un équilibre entre ce qu'est Donard, c'est-à-dire d'abord un chef, d'abord un aventurier, et puis des gens plus versés dans la lecture géopolitique, dans l'administration, pour l'épauler finalement dans ce qu'il est devenu. Walter Brier-Rostels, on ne quitte pas. On se retrouve dans deux minutes après Arctic Monkeys, Ain't Quite Where I Think I Am. Retina scan. I've been given good reason to believe I ain't quite where I think I am, but it's always worth half a blast. You know the face, but you can't see past the disco strobes and the stumbling blocks. Wait, there's the other island now. Shake a few hands. Blank expressions invite me to suspect I ain't quite where I think I am. Stackable party guests to fill the awkward silences. The disco strobes and the stumbling blocks. Wait, there's the other eye. The spare set of tingles will raise up your spine if I get it my way. France Inter. Affaires sensibles. Walter Bruyère-Hostels, vous êtes un spécialiste de la vie et l'œuvre de Bob Denard, mais aussi de la France-Afrique. Alors on l'a dit, Denard appartenait à ce système qu'on appelle la France-Afrique, et quand on parle de France-Afrique, on pense d'abord à un personnage, Jacques Foccart, le monsieur Afrique du général de Gaulle. C'était quoi finalement la France-Afrique incarnée par Foccart et Denard? C'est quoi les principes? C'est un système qui vise à maintenir l'influence française sur l'ancien empire colonial, à faire que la France puisse rester une grande puissance telle que la perçoit de Gaulle. C'est plus une puissance par le territoire qu'elle maîtrise, comme au temps de l'empire colonial, mais ça doit être une puissance par l'influence qu'elle est capable de montrer, et notamment en étant le porte-parole d'un certain nombre d'États au Conseil de sécurité. Et ça passe par exemple par des relais africains qui s'alignent sur la position française sur la scène extérieure. Donc ça, c'est le principe. Et puis après, les rouages, c'est ce qu'on appelle les réseaux Foccart, donc toute une série d'hommes, soit de l'ombre à travers les services, soit plus officiels comme conseillers auprès des différents présidents africains, qui créent un lien tout à fait particulier, très interpersonnel, entre les capitales africaines et l'Élysée. Notamment lorsque Jacques Chirac se rend en visite officielle à Moroni, c'est vraiment grâce à Bob Denard, on l'a dit dans le récit. Alors c'est en tout cas grâce au réseau France-Afrique. Il se trouve qu'en 86, Jacques Chirac a avec lui comme conseiller Afrique Jacques Foccart, qui a été évidemment écarté par la gauche, enfin d'abord par Giscard, puis maintenu à l'écart par la gauche à partir de 1981. Et donc, à travers Foccart, il y a toute une série de relais qui vont vers les Comores, la principale étant la garde présidentielle, qui dispose en fait d'une antenne à Paris, qui est en lien en permanence carrément avec les bureaux de Foccart. Alors, le mercenariat n'a pas disparu avec Denard, on le voit encore aujourd'hui. Mais qu'est-ce qui différencie le mercenariat, je ne sais pas si on dit ça comme ça, de l'époque de Bob Denard, de celui bien connu du groupe Wagner, qui est carrément une armée parallèle, hein? Oui, alors il y a des points communs au départ, c'est-à-dire qu'on retrouve une espèce de triangle entre un État qui a des besoins, un chef, un entrepreneur mercenaire qui est Prigogine pour Wagner et qui était Denard en son temps, et puis des troupes mercenaires. Donc ça c'est le point commun. La grosse différence, d'abord c'est le contexte évidemment, même si à chaque fois on est dans une démarche impériale ou néo-impériale. La vraie différence, c'est le changement de nature de Wagner, qui aujourd'hui relève plus d'une milice supplétive en Ukraine que réellement d'un système mercenaire. Est-ce qu'il est toujours possible, la question peut paraître bizarre, mais j'ai envie de vous la poser quand même, possible aujourd'hui de tomber sur une petite annonce dans le journal pour s'engager dans une carrière de mercenaire, même si le mot mercenaire ne doit pas être écrit noir sur blanc, mais est-ce qu'il y a des canaux encore comme ça d'embauche pour ce genre d'activité? Alors oui, sur certains espaces spécialisés, alors c'est plus forcément dans les petites annonces, mais la pratique d'annonces un petit peu transparentes sur des services de sécurité en Afrique ou ailleurs, oui, ça reste un des outils. Le meilleur outil, malgré tout, au temps de Denard, c'était les associations d'anciens combattants et puis quelques réseaux politiques d'extrême droite, notamment à la fac d'Assas où il a pas mal recruté. Alors on disait anticommuniste combattant, c'est le cas de le dire, Bob Denard, proche de l'extrême droite aussi, on peut le dire. Proche de l'extrême droite, alors je ne sais pas si c'est politiquement sans doute, mais par des connaissances qu'il a nouées au début de sa vie et à qui il a gardé une certaine fidélité, et donc on a effectivement autour de lui, c'est un des courants, j'allais dire, qui gravitent autour de Denard, qui est très lié effectivement au souvenir de l'Algérie française, puis ensuite à cette génération Gude d'Assas. Tiens, puisqu'on parle de souvenirs, ce sera ma dernière question. Quel souvenir il laisse aux Comores aujourd'hui? Alors aujourd'hui, j'aurais du mal à répondre. Disons après qu'il soit parti. Oui, dites-moi. Alors, en tout cas, il laisse un souvenir très contrasté, mais j'allais dire à la façon de la France-Afrique, c'est-à-dire que certains ont la nostalgie d'une Comore où il y avait un peu plus d'heures d'électricité et un peu plus d'heures d'eau potable dans la journée. Mmh. Et puis, il y a une partie, évidemment, de la population comorienne qui se rappelle d'abord de la violence qu'incarne ce personnage, de la domination de blancs sur les locaux. Bien, ben ce sera le mot de la fin. Merci infiniment, hein, Walter Bruyère-Ostels, depuis Aix-en-Provence. Merci, au revoir. Merci, au revoir. C'était Affaires Sensibles aujourd'hui, Bob Denard. Une émission que vous pouvez réécouter en podcast, bien sûr. À la technique aujourd'hui, il y avait Loïc Frapsos. À suivre, Mathieu Noël. Bonjour, Mathieu Noël, pour Zoom Zoom Zen. Quel est le sujet aujourd'hui? Eh bien, Fabrice, bonjour. 8 milliards aujourd'hui, 16 en 2050, d'après certaines projections. La bombe démographique fait tic-tac. Zoom aujourd'hui avec un géohistorien sur notre planète saturée. Fabrice. Merci, Mathieu. Tout à l'heure, juste après le flash de 16h.